Je retire le couteau. Je redresse ton corps pour une dernière photo. Oh non, il fallait pas croire tout ce que je te disais. À la fin, t'en savais trop. Fallait pas croire aux héros. Non, zéro. Fallait me lâcher avant que je te fasse la peau. Ta bouche d'un doigt taché de sang. Et je te déshabille, ne laissant que tes gants.